Selon les médias de Séoul, la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques a tenu le 16 courant une conférence de presse à Séoul pour proclamer la lutte de la Confédération nationale des syndicats ouvriers démocratiques pour les élections présidentielles 2017. Lors de la conférence de presse, les orateurs ont insisté sur la nécessité de mener la grève générale sociale dans l'espace de juin et juillet. Ils ont souligné que cette grève a pour but de réaliser la solidarité avec les citadins par l'engagement des ouvriers organisés dans la grève générale et la mobilisation générale des citadins, avec la conscience que le vrai changement de la société vient du changement de la vie de soins après la chute de Pakonnet.